ses amis, sa bande. Leur voyage prend une orientation sans méprise. Consommer du local, si possible, juvénile. Juste pour quelques bars de souvenirs garantis. Le patel, il s'éclate, il vit des idylles. Un psychopathe si discret dans sa ville. Les vacances tombent à l'eau. Patel s'est fait serrer avec un prépubère. Oh, oh, oh. C'est Monique la salope à trop tendre le dos. Qui a grillé la mèche de son mari pervers. Monsieur Patel est un baroudeur, c'est sûr.